بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. L'auteur qui nous dit rahimahullah, le sixième chapitre, le chapitre concernant le péché de celui qui brave le Coran. Et donc ici l'auteur rahimahullah, il nous montre le danger de la personne qui va agir de manière à contredire le Coran et le fait de ne pas accepter ce que contient ce livre. La parole d'Allah le Très-Haut, et par son biais, il n'égare que les gens immoraux. Et par son biais, par le biais du Coran, Allah n'égare que les gens immoraux. Et donc, par le Coran, Allah égare les gens. Le Coran, Allah l'a envoyé pour nous guider. Mais par le Coran, Allah va égarer aussi des gens. Il dit Tabaraka wa ta'ala yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Et donc c'est ça ce verset. Allah Tabaraka wa ta'ala, par celui-ci, il égare beaucoup et il guide beaucoup. Et il n'égare que les gens immoraux. Et donc ceux qui vont croire en ce livre et l'appliquer, Allah Tabaraka wa ta'ala va les guider. Par contre, ceux qui n'acceptent pas ce que contient ce livre, leur sanction, leur rétribution sera que Allah Tabaraka wa ta'ala va les égarer. Il dit Tabaraka wa ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Et donc concernant ceux qui ont cru, ils savent que ceci est la vérité qui vient de leur Seigneur. Mais ceux qui ne croient pas, ils disent « Qu'est-ce que voulait Allah par cela, par cet exemple, par cette parabole ?» Et donc ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala égare les gens qui rejettent et qui vont braver donc le Coran. L'auteur qui nous dit après cela est la parole d'Allah le Très-Haut. « Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, voilà les incroyants. » Voilà les incroyants. Ce sujet, c'est un sujet important, barakallahu fikoum. Allah Azza wa Jal, qui nous dit donc dans son livre, « Fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt, wa yusallimu taslima. » Par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas pris pour juge des conflits qu'il y a eu entre eux. Puis qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne par rapport à ce que tu as décrété et qu'ils s'y soumettent pleinement. La sourate 4, sourate An-Nisa, le verset 65. Sourate An-Nisa, le verset 65. Et donc, il nous est obligatoire de nous soumettre pleinement au décret d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, le verset qu'a cité l'auteur, donc ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, et donc voilà les incroyants, et donc il nous est obligatoire d'appliquer ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre. Mais attention, il est obligatoire aussi, barakallahu fikoum, d'avoir une bonne compréhension de ce verset. Il y a un groupe, les khawarij, pour que vous puissiez comprendre, les terroristes, ce qu'on appelle aujourd'hui les terroristes, c'est une branche des Khawarij. C'est une branche. Les Khawarij, ils ont pris ce verset et ils ont taxé de mécréants tout gouverneur qui va juger par autre que les lois d'Allah. Toute personne qui ne va pas juger par les lois d'Allah, ils vont dire que c'est un mécréant. Il est rapporté d'Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qu'il a dit justement aux Khawarij, huwa kufrun duna kufr. Ce qui est cité dans ce verset, c'est une mécréance en dessous d'une mécréance. C'est-à-dire, ce n'est pas la mécréance qui fait sortir de l'islam. Lorsque Allah nous dit, ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, voilà les incroyants. Et donc, ce qui est voulu ici par l'incroyance, ce n'est pas l'incroyance qui fait sortir de l'islam, car il y a deux formes d'incroyance. Il y a l'incroyance majeure qui va faire sortir l'individu de l'islam. Et il y a l'incroyance mineure, c'est un acte d'incroyance. Mais la personne ne sort pas de l'islam en appliquant juste par le fait donc, d'accomplir cet acte. Et ici, concernant le fait d'appliquer, donc de juger par autre que les lois d'Allah, tabaraka wa ta'ala, alors les savants, ils nous disent que ceci fait partie des grands péchés. Il se peut que le gouverneur qui fasse cela sorte de l'islam, comme il se peut qu'il ne sorte pas de l'islam. Il sort de l'islam si celui-ci va avoir la certitude que les lois que lui il utilise sont meilleures que les lois d'Allah. S'il nous dit « mes lois que j'ai placées dans mon pays sont meilleures que les lois d'Allah », ça, il sort de l'islam. Ou alors s'il pense que non, il ne faut pas appliquer les lois d'Allah. Ce gouverneur-là, il sort de l'islam. Mais par contre, s'il ne dit rien de tout cela, mais qu'il va appliquer ses lois mondaines par rapport à une ambiguïté, par rapport à ses passions, l'argent, le poste, etc., etc., alors là, il est dans un grand péché, mais il ne sort pas de l'islam. Et ceci est la croyance des compagnons, radiallahu anhum. Et donc, il est important de ne pas tomber dans cette exagération, l'exagération du groupe des Khawarij, qui ont utilisé ce verset pour taxer les gouverneurs de tous les gouverneurs musulmans d'incroyants. Et derrière, ils ne se suffisent pas de taxer les gouverneurs d'incroyants, ils vont tout le monde. Parce qu'ils commencent par les gouverneurs, et ensuite après ils viennent te voir. Ils te disent, tel gouverneur de tel pays, c'est un musulman ou c'est pas un musulman? Si tu dis que c'est un musulman, c'est fini, pour eux. T'es plus un musulman. Et tel gouverneur de tel pays, c'est un musulman ou c'est plus un musulman? Tu vas dire oui, c'est un musulman. Non, non, ça c'est bon, t'es plus un musulman. Et donc au final, ils vont appliquer ça sur tout le monde. Et voilà pourquoi après, ils vont se permettre par la suite ensuite de faire des attentats, etc., etc., etc. Allah Azza wa Jalla nous préserve de leurs égarements. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, à la page 11, il nous cite, et sa parole, ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix. Subhanallah, subhanallah. Allahu musta'an. Allah Azza wa Jalla, il nous dit, oulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Ces gens-là, ce qu'ils mangent donc dans leur ventre, ce qu'ils ils remplissent leur ventre, ils ne remplissent leur ventre qu'avec du feu. Et donc ceux qui cachent ce qu'Allah wa ta'ala fait descendre du livre et le vendent à vil prix, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il y a dans le livre d'Allah. Et il sait qu'ici, il lui est obligatoire de dire aux gens la vérité. Mais il va se taire. Pourquoi? Il va vendre cela à vil prix. C'est-à-dire, il va se taire parce que les gens lui donnent ça déjà. Hein? Les gens lui donnent tant d'argent. Alors, il va se taire. Il va laisser les gens dans leur péché. Pourquoi? Pour prendre l'argent. Il ne faut pas déranger les gens. Parce que si je les dérange, si je leur dis c'est haram, ils vont se fâcher et peut-être qu'ils ne donnent plus l'argent après. Alors, ils laissent les gens dans leur interdiction. Comme ceux qui vendent l'alcool. Comme ceux qui vendent de l'alcool. Ceux qui vendent de l'alcool. Exactement. Ceux qui vont vendre de l'alcool ou déplacer de l'alcool ou toute forme de péché, toute désobéissance. Voilà, toute désobéissance. Et donc, celui qui a la science, il a l'obligation de dire aux gens la vérité, il n'a pas le droit de le cacher. Et donc le fait qu'il connaisse cette vérité, mais qu'il la cache par rapport à un confort, hein, un poste ou autre, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit que cette personne ne remplit son ventre qu'avec du feu. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ. Et au jour de la résurrection, Allah ne s'adressera pas à eux, il ne va pas les purifier. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et ils auront un châtiment douloureux. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Voilà ceux qui ont choisi l'égarement face à la guidée. Et le châtiment, ils ont choisi le châtiment à la place donc du pardon. Alors qu'ils patientent face au feu. Et donc il y a ici, barakallahu fikoum, le danger qu'il y a dans le fait de cacher la science. Toute personne qui a la science, qui connaît la vérité, il lui est obligatoire de montrer la vérité aux gens. Il lui est obligatoire. Aujourd'hui, alhamdoulillah, les gens, ils ont compris. Mais au début, quand je suis arrivé ici, et que j'ai vu qu'il y avait, sorcier, etc., etc., quand j'ai parlé, on m'a dit, mais pourquoi t'as parlé, Abdelkarim? Wallah, j'avais pas le droit de me taire. Je vous dis tout de suite, je vous jure par Allah, j'avais pas le droit de me taire. Je n'avais pas le droit de me taire. Aujourd'hui, alhamdoulilah, les gens, ils ont compris. Walillah, alhamdoulilah. Mais les frères, il est important de comprendre qu'on n'a pas le droit de se taire. Tu connais la vérité, tu dois dire aux gens. Moi, si je ne vous dis pas la vérité, c'est pas de vous que j'ai peur. Wallahi, c'est pas de vous que j'ai peur. Même si tous les gens de la Martinique sont contre moi, c'est pas des gens que j'ai peur. Vous savez ce qui me fait peur? La malédiction d'Allah. La malédiction d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui s'abat sur ceux qui cachent la vérité. Comme on va le voir, bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala. Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Et lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, et donc ça c'est le donc surat Ali Imran, donc la surat 3, le verset 187. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a pris l'engagement de ceux à qui le livre leur a été donné, les gens du livre. Allah, il a pris un engagement avec eux. Vous allez expliquer ce livre aux gens, les toubeyinunnahu linnas. Et vous n'allez pas le cacher. C'est un engagement. Vous devez l'expliquer aux gens et vous ne devez pas le cacher. Alors ils ont jeté ce livre derrière leur dos. Et ils l'ont vendu à vil prix. Ça veut dire quoi, ils l'ont vendu à vil prix? Ça veut dire qu'ils ont profité, ils ont préféré profiter d'un délice mondain plutôt que de dire aux gens la vérité. Et donc celui qui fait cela, il va ressembler à ces gens-là, à ce peuple-là. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit aussi, donc dans son livre, Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre. Comme éclaircissement et guidé, après l'avoir clairement montré aux gens dans le livre, ceux qui cachent cela, oulaika yal'anuhumullah, ceux-là sont ceux que Allah maudit. Wa yal'anuhumul la'inun, et que tous les maudisseurs maudissent. Tous les maudisseurs maudissent. Et donc toi qui apprends le livre d'Allah, tu vois la vérité dans le livre d'Allah, après cela tu n'as pas le droit de te taire. Tu dois dire aux gens la vérité. Tu ne dois pas accepter lorsque les gens viennent te voir et te disent « Bonne fête de Pâques !»« Allez, joyeuse Pâques !» Et que toi tu dises merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on va dire? Tu dis je ne fais pas ça. Mais oui. Et donc parfois on a peur pour rien. On va avoir peur pour rien. Ah, j'ai peur de frustrer les gens. J'ai peur de les blesser. J'ai peur de les vexer. J'ai peur, par contre, eux, pour venir nous dire, mais pourquoi tu mets un tamis? Pourquoi tu mets une robe? Ils ne sont pas gênés. Ils ne sont pas gênés, mais pourquoi vous mettez des robes? Pourquoi vous devez vous lever pour aller prier? Pourquoi vous jeûnez? Il y en a qui s'arrêtent devant chez moi. Devant chez moi, ils s'arrêtent. Ils me disent, mais attends, tu restes comme ça tout un mois, tous les jours. Tu ne manges rien du tout, du matin jusqu'au soir. Ah non, moi, je ne pourrais pas. Il n'a pas été gêné de me dire son argument. Pourquoi moi, je serais gêné? Et donc, l'esclave, il n'y a pas de mal. C'est important de dire aux gens la vérité. C'est très important. Il ne faut pas négliger ce sujet. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, sortira de cette communauté un groupe dont vous mépriserez vos prières à côté des leurs. Et donc ici, le prophète, il parle des Khawarij, dont on a parlé précédemment. Et il nous dit, vous mépriserez vos prières à côté des leurs. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand tu regardes leurs prières, tout ce qu'ils font comme prières, non, ils font tout ça. Et que tu regardes nos prières à nous, c'est comme si on n'a rien fait. Alors, prière, elle est longue comme ça. Ah ouais, nous, c'est que ça? Ah non. Nous, nos prières, elles ne valent rien. Et donc, il dit, vous mépriserez vos prières à côté des leurs. Ils récitent le Coran, mais celui-ci ne dépasse pas leur gosier. Le Coran ne dépasse pas leur gosier. C'est-à-dire que c'est juste de la récitation. Ça n'arrive pas jusqu'au cœur. C'est juste ce qui est apparent. Ils sortent de la religion de la même façon que sort la flèche de la bête qui a été visée. De la même façon que sort la flèche de la bête qui a été visée. Et donc, lorsque tu lances une flèche sur une bête, quand tu chasses une bête, tu lances la flèche elle rentre d'un côté, elle ressort de l'autre côté. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le tireur regarde alors la pointe de la flèche et l'entrée du tube, puis il doute de l'encoche. Est-ce que du sang y est resté accroché ou pas? Il regarde, est-ce qu'il y a du sang? Il ne voit aucune trace de sang sur sa flèche. Il doute même, est-ce que la flèche a touché la bête? La flèche, elle est rentrée et elle est ressortie sans aucune trace. Ici, le prophète, il nous montre ses khawarij. Il, comme s'ils sortent de l'islam et ils n'ont aucune trace de l'islam. Ils sont rentrés dans l'islam et ils sont sortis sans avoir aucune trace de l'islam, rapporté par les deux chefs et donc Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre narration, ils réciteront le Coran avec maîtrise et assiduité. Ces gens-là, ils récitent le Coran avec maîtrise et assiduité, mais ça ne dépasse pas le gosier. Ça ne dépasse pas le gosier. Ibn Omar les considérait comme les pires des créatures et disait, ils ont utilisé des versets qui concernaient les incroyants pour les appliquer aux croyants. Ici, barakallahu fikoum. Comme on a dit précédemment, ce hadith, il concerne la secte des Khawarij. Et donc, il fait partie de leurs caractéristiques et des caractéristiques des gens de l'innovation. De manière générale, le fait de se montrer dans l'adoration, la maîtrise du Coran, le fait de faire beaucoup de prières, etc. Comme le prophète il les a décrits comme ça. Vous allez mépriser vos prières à côté des leurs. Quand tu regardes leurs prières, tu te dis, subhanallah, t'as vu tout ce qu'ils font, nous on ne fait rien du tout. Dans une autre narration, vous allez mépriser votre récitation du Coran à côté des leurs. Subhanallah, t'as vu tout ce qu'ils récitent du Coran, comment ils font, et nous on est là, on ne fait rien. Et donc parmi leurs caractéristiques, le fait de montrer l'adoration. Mais cette adoration ne dépasse pas le gosier. C'est juste une récitation qui sort de la bouche, mais elle ne pénètre pas le cœur. Et donc, il y a certains savants qui se sont appuyés sur ce hadith pour dire que les Khawarij, c'est-à-dire tous les groupes comme Daesh, Al-Qaïda, etc., etc., ils vont te dire que tous ces groupes-là, ils ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle d'eux, il te dit qu'ils sont sortis de l'islam de la même manière que la flèche sort de la bête sans avoir aucune trace de sang. Et donc, ils ne sont plus musulmans. Et si certains savants se sont basés sur ce hadith pour dire que les Khawarij, ils sont sortis de l'islam. Et d'autres savants, ils nous disent que non, ils sont toujours musulmans. Ce qui est voulu par ce hadith, c'est que leurs actes, leurs agissements n'ont rien à voir avec l'islam. Et ça, c'est l'avis aussi de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Ali ibn Abi Talib, il disait « Min al-kufri farru ». Justement, ils ont cherché à fuir de la mécréance. Mais ils sont tombés dans l'exagération. Et donc, ces gens-là, l'islam se désavoue de leurs actes, de tout ce qu'ils font comme mal sur terre. Cela n'a rien à voir avec l'islam. Et quand tu apprends le Coran, quand tu apprends la Sunna, tu vois clairement que ce que ces gens-là font n'a strictement rien à voir avec notre belle religion. Et cet avis, comme je l'ai dit, cet avis, donc l'avis de Ali ibn Abi Talib, c'est l'avis le plus juste, inshallah ta'ala. Et dans ce hadith, il y a le fait que la personne, elle peut maîtriser le Coran et que malgré cela, elle fasse partie des pires des créatures. Subhanallah. Subhanallah. Elle maîtrise le Coran et malgré cela, Ibn Umar considérait que ces gens-là étaient les pires des créatures. Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, quand il parlait des Khawarij, de cette secte, il disait les pires des créatures qu'il y a sur terre. Et donc, ce sont les pires des créatures à cause du fait qu'ils contredisent ouvertement le Coran avec leurs œuvres. Et il y a aussi dans ce hadith, que le fait que le musulman il doit s'efforcer de comprendre correctement le Coran. Il ne se suffit pas de juste réciter le Coran. Parce qu'il ne veut pas ressembler à ces gens-là. Juste tu récites et ta récitation elle ne dépasse pas ton gosier. Elle n'arrive pas au cœur. Parce que de toute façon tu ne comprends pas. Et donc le musulman doit s'efforcer de ne pas être comme ces gens-là. Il doit s'efforcer de chercher à comprendre le livre d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Et ensuite, le dernier point, barakallahu fikoum, l'auteur qui nous dit, et d'après Tirmidhi, qu'il a jugé correct, selon Abu Hurairah, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui est interrogé sur une science, puis la cache, alors au jour de la résurrection, Allah lui mettra un mort de feu. Un mort, M-O-R-S. C'est quoi un mort? Voilà, le mort qu'on met donc aux chevaux pour les diriger droite, gauche, etc. Et ce mort, il est dans la bouche. Regardez, comme il est beau l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Cet homme-là, on l'interroge concernant une science. Il connaît la vérité. Il connaît la vérité. Et il doit dire la vérité aux gens. Mais il ne dit pas la vérité. Il la cache. Pour une raison, ça peut être une raison mondaine, hein? Quelqu'un qui lui dit par exemple, Ya Shir, dis ça. La personne le dirige à droite, à gauche. La personne le balade comme elle veut. Vas-y, dis ça, on te donne de l'argent. Dis ça, on te donne de l'argent. Et dis ça, on te donne telle situation, etc., etc. Et lui, il se tait sur la vérité. La punition est du même genre que l'œuvre. Ça, c'est une règle en islam. La punition est du même genre que l'œuvre. Il s'est tué. Il a caché la vérité et s'est laissé guider par ses passions De la même manière, dans l'au-delà, on va lui mettre un mort de feu dans la bouche. Donc ce mort qui t'empêche de parler et qui va faire que tu vas te taire. Et ce mort qui à la base est utilisé pour diriger la personne, le cheval. Subhanallah al-Ali al-Ali. Et donc il ne faut pas qu'on ressemble à ça. C'est important de toujours dire la vérité, d'être sincère envers les musulmans. Et il y a le fait aussi, vu qu'il y a une sanction qui est citée clairement pour ce péché, et bien ce péché, le fait de cacher la science, fait partie des grands péchés. Le fait de cacher la science fait partie des grands péchés. On va arrêter là pour ce soir, Inch'Allah ta'ala. On continue demain, bi'idhnillah, waffaqallahu al-jami'. لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وفيكم بارك الله